Ceci est un audio généré issu de l'article Dominion, Géorgie, Coffee County, le dossier explosif qui nourrit encore le doute sur les machines à voter aux États-Unis, disponible sur le site conspiract.com. Les sources utilisées sont disponibles sur le site. Bonne écoute à vous. Depuis l'élection de 2020, un nom déclenche instantanément des tensions, Dominion. Pour certains, ce nom incarne la preuve ultime d'une fraude électorale massive. Pour d'autres, il représente une entreprise attaquée à tort, au centre d'une tempête politique. Entre ces deux visions, il existe un dossier très concret. Il parle de machines à voter, de rapports d'experts, de failles reconnues par CISA, de logiciels copiés illégalement dans un compte rural, et de procès toujours en cours. Ce dossier ne se raconte pas en un tweet. Il mélange technique, droit, communication, et il oblige à ralentir pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Pour saisir l'histoire, il faut d'abord regarder la Géorgie. Cet État a choisi de s'équiper entièrement en machines Dominion, avec un système organisé autour des images Castix. L'électeur fait ses choix sur un écran tactile. La machine imprime un bulletin papier qui résume le vote, avec un texte lisible et un code barre. Ensuite, un autre appareil scanne ce bulletin et enregistre le vote à partir du code. Ce schéma apparaît dans des documents officiels et dans des reportages comme ceux de PBS sur la sécurisation des machines en Géorgie. L'enjeu est immense, quasiment tous les votent en personne à star ces appareils. La Géorgie devient alors un laboratoire à ciel ouvert. D'un côté, les autorités expliquent que ce système modernise le vote tout en gardant une trace à pied. De l'autre, des experts en sécurité regardent le dispositif avec suspicion. Ils voient un point délicat, l'électeur lit le texte imprimé, mais la machine de dépouillement lit surtout le code barre. Si quelqu'un réussit à modifier la manière dont le code est généré, la trace imprimée rassure l'œil humain, mais le code peut raconter une autre histoire. C'est exactement ce que va étudier un chercheur déjà bien connu dans le monde de la sécurité électorale, J. Alex Alderman. Dans le cadre d'un procès appelé Curling contre Raffensperger, des électeurs et des organisations contestent l'usage des machines Dominion en Géorgie. Le tribunal demande une expertise indépendante. J. Alex Alderman, professeur à l'Université du Michigan, reçoit l'autorisation d'analyser en profondeur le système image Castix. Il examine le logiciel, le matériel, les processus. Son travail aboutit à un rapport très détaillé, qui reste d'abord sous scellé, puis apparaît en version résumée sur le blog du centre CITP de Princeton. Ses conclusions inquiètent. Alderman identifie plusieurs vulnérabilités sérieuses. Il explique que des attaquants, avec les bons accès, peuvent modifier le code exécuté par les machines. Ils peuvent influencer la façon dont les bulletins s'impriment ou la manière dont les votes sont enregistrés. Il souligne que ces attaques ne se lancent pas depuis un simple smartphone posé dans un bureau de vote. Elles nécessitent un accès privilégié, des droits, du temps. Mais il insiste sur un point clé, ces accès existent, surtout quand des machines identiques se trouvent dans tout un État et quand des procédures locales restent imparfaites. Il décrit aussi le problème des codes barres. L'électeur voit son choix écrit en clair, mais la machine de dépouillement lit le code. Si un logiciel compromis encode un vote différent, l'électeur ne peut pas s'en rendre compte. La confiance repose alors entièrement sur l'intégrité du logiciel, précisément là où un pirate cherche à frapper. Alderman ne se contente pas de dresser une liste de risques. Il répète ses recommandations classiques, utiliser des bulletins papier réellement vérifiables, limiter le rôle des codes barres et pratiquer des audits post-électoraux sérieux, capable de détecter des anomalies. Face à un rapport aussi lourd, les autorités fédérales doivent se positionner. CISA, l'agence en charge de la sécurité des infrastructures critiques, publie en 2022 un avis de sécurité sur certains systèmes Dominion. Cet avis reconnaît la présence de vulnérabilités dans des versions spécifiques du logiciel. CISA recommande alors plusieurs mesures, durcir les contrôles d'accès physique, appliquer des mises à jour correctives, renforcer les scellés, et surtout s'appuyer sur des audits et des bulletins papier pour vérifier les résultats. Ce texte montre clairement que les machines à voter ne sont pas des objets parfaits. Elles ont besoin d'un environnement sécuritaire solide pour réduire les risques. Mais CISA ajoute aussi un message important. L'agence indique qu'elle ne possède aucune preuve montrant que ces failles ont été exploitées dans des élections passées. Elle dit en substance, oui, il existe des vulnérabilités. Non. Nous n'avons pas d'éléments confirmant une manipulation effective des résultats via ces vulnérabilités. Cette double position est souvent mal comprise. Certains retiennent uniquement la partie faille. D'autres ne retiennent que le « a » de preuve de fraude. En réalité, les deux phrases coexistent et elles définissent le cœur du problème. Un système vulnérable n'implique pas automatiquement une fraude, mais il crée un terrain plus fragile pour l'avenir. Pendant que ces débats techniques se déroulent, un autre événement vient rendre le dossier encore plus brûlant. Il ne s'agit plus ici d'un rapport théorique, mais d'un épisode très concret, situé dans un comté rural, Coffee County. En janvier 2021, après l'élection, des personnes liées à l'entourage de Donald Trump obtiennent un accès non autorisé aux systèmes électoraux de ce comté. Des reportages de chaînes comme CNN et des enquêtes de sites spécialisés décrivent comment des techniciens mandatés copient le logiciel et les données des systèmes Dominion utilisés localement. Cela signifie que des images complètes des systèmes électoraux sortent de leur environnement sécurisé. Elles se retrouvent entre les mains d'acteurs privés, qui peuvent les analyser à loisir. Ils peuvent y chercher des failles, tester des scénarios d'attaque, préparer des logiciels malveillants pour l'avenir. Cette fuite ne prouve pas qu'ils ont déjà attaqué un scrutin. Mais elle expose des éléments de l'infrastructure à un niveau de risque que les concepteurs n'avaient pas prévu. C'est comme si on avait cloné les plans complets d'un coffre-fort et qu'on les avait distribués hors du cercle des personnes autorisées. Les autorités réagissent. La Géorgie décide de remplacer tout le matériel de Coffee County. Elles reconnaissent la gravité de ce breach. En même temps, des questions restent en suspens. Des articles d'investigation évoquent des documents non transmis à des plaignants, des retards dans les enquêtes, des responsabilités locales floues. Pour beaucoup d'observateurs, Coffee County illustre une chose, la sécurité d'un système ne dépend pas seulement du code, mais aussi des humains qui le gèrent, de leur niveau de formation, de leurs convictions, et même de leurs affinités politiques. En parallèle, le procès Curling contre Raffensperger suit son cours. Les plaignants s'appuient notamment sur le rapport Alderman pour soutenir l'idée que la Géorgie devrait abandonner les machines Dominion au profit de bulletins papier marqués à la main. Le rapport, d'abord secret, fait l'objet de batailles procédurales pour déterminer ce qui peut être divulgué. Une partie du document finit par être rendue publique, ce qui relance le débat dans les médias et chez les militants. Dans le même temps, Coffee County apparaît aussi dans des dossiers plus larges, liés aux efforts pour contester le résultat 2020 en Géorgie. Des messages, des emails, des vidéos montrent comment certains acteurs politiques considéraient cet accès aux systèmes électoraux comme une chance à saisir. Des enquêtes journalistes relèvent aussi que des preuves de cette intrusion auraient été mal partagées ou sous-estimées par certaines autorités locales, ce qui nourrit la méfiance. Alors, que prouve ce dossier au final ? Il prouve d'abord que les systèmes Dominion utilisés en Géorgie possèdent des vulnérabilités réelles, documentées par des experts comme J. Alex Alderman et confirmées par un avis de CISA. Il prouve aussi qu'un comté, Coffee County, a connu une fuite grave, où des logiciels électoraux ont été copiés en dehors de tout cadre normal. Il montre enfin que les réactions des autorités n'ont pas toujours été à la hauteur de la sensibilité de ces systèmes, ce qui nourrit la suspicion. En revanche, ce dossier ne prouve pas qu'une conspiration centralisée a manipulé toute l'élection 2020 via les machines Dominion. Les tribunaux n'ont pas validé cette thèse. CISA n'a pas confirmé une exploitation massive des failles relevées. Certaines accusations médiatiques très précises ont même conduit à des procès en diffamation coûteux, où les chaînes ont dû reconnaître l'absence de preuves solides derrière certaines affirmations. Là encore, la nuance compte. Un système vulnérable crée un risque, mais il faut d'autres éléments pour prouver une fraude spécifique. On se retrouve donc dans un espace inconfortable. D'un côté, il serait naïf de dire que les machines à voter ne posent aucun problème. Les rapports techniques, les avis officiels, les intrusions comme celle de Coffee County montrent clairement le contraire. De l'autre, il serait trop simple de conclure que chaque élection gérée par Dominion est forcément truquée. Les preuves disponibles ne soutiennent pas cette idée. Entre ces deux extrêmes, il reste un terrain plus exigeant, mais plus intéressant, celui où l'on regarde ce que les archives et les experts disent réellement, sans couper des phrases, sans amplifier des éléments, sans en jeter d'autres. Ce dossier intéresse aussi l'Europe et la France. Il montre ce qui arrive quand un pays confie le cœur de son système électoral à des dispositifs techniques complexes, sans que la population comprenne vraiment comment ils fonctionnent. Il montre qu'un simple incident local peut devenir un symbole national, surtout quand le climat politique est tendu. Et il rappelle une question que beaucoup de pays se posent déjà, jusqu'où voulons-nous automatiser le vote, et jusqu'où voulons-nous garder une part de papier, de contrôle humain et d'audit indépendant. En racontant l'histoire de Dominion, de la Géorgie et de Coffee County, on ne parle pas seulement de machines et de logiciels. On parle de confiance, de transparence, de responsabilité. On parle du moment où une société choisit de déléguer le comptage de ses voix à des systèmes que la plupart des citoyens ne peuvent ni ouvrir, ni lire, ni tester. Et c'est souvent à partir de là qu'une réflexion plus large commence, bien au-delà d'un seul État américain ou d'une seule marque de machine.